paraît que je suis pas fréquentable, il paraît que je suis pas impeccable, il paraît que je suis pas un visage pâle, il paraît que je suis con et que je râle, il paraît que je suis un petit peu chiant, il paraît que je suis un peu violent, il paraît que je suis pas du tout marrant, il paraît que je n'ai pas de parents, il paraît que j'ai des ennemis, il paraît que je n'ai pas beaucoup d'amis, il paraît que j'ai une petite chérie, il paraît que je suis un bandit, il paraît que je suis un métis, il paraît que je fume du cannabis, il paraît que j'aime pas la police, il paraît que j'aime pas la justice. Il paraît que j'aime le reggae, il paraît que j'aime aussi chanter, il paraît que j'aime le respect, il paraît que je n'ai pas de pitié, il paraît que j'ai des problèmes, il paraît que j'ai de la haine, il paraît que j'ai de la peine, il paraît que j'aime pas ceux qui parlent la bouche pleine, il paraît que je suis papa d'ici, il paraît que j'aime pas Jean-Marie, il paraît que je ne suis pas gentil, il paraît que je suis un pourri, il paraît que j'aime pas la politique, il paraît que j'aime pas les filles, il paraît que je voudrais du fric, il paraît que j'ai quelques tics, il paraît que le monde m'attriste, il paraît que je suis sur une piste, il paraît que je suis un artiste, il paraît que je suis un peu triste, il paraît que j'aime le reggae, il paraît que j'aime aussi chanter, il paraît que j'aime le respect, il paraît que j'ai pas de pitié, il paraît que j'ai des problèmes, il paraît que j'ai beaucoup de haine, il paraît que j'ai aussi de la peine, il paraît que j'aime pas les gens qui parlent la bouche pleine, il paraît que j'ai des ennemis, il paraît que j'ai pas beaucoup d'amis, il paraît que j'ai une chérie, il paraît que je suis un métis, il paraît que je fume du cannabis, il paraît que j'aime pas la police, il paraît que j'aime pas la justice, il paraît que je suis pas fréquentable, il paraît que je suis pas impeccable, il paraît que j'ai pas un visage pâle, il paraît que je suis con et que je râle, il paraît.